essentiel. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici l'heure tout simplement de débuter tout simplement l'émission. Il est 13h30 passé de quelques minutes. Voilà, mais nous sommes déjà mardi. Voilà, toi aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, puis aussi très bonne semaine, tout simplement. Et puis donc, dans l'après-midi, eh bien, on va faire un petit tour du côté des années 80, tout simplement. Ça va nous rappeler un bon vieux souvenir, tout ça, avec les chansons qu'on a bien, bien écoutées dans les années, et puis que maintenant, ben, on n'entend plus beaucoup, vraiment, et maintenant, ben, on va les écouter un petit peu plus. Voici donc, on va débuter avec le titre, c'est Gabi, au Gabi, avec Alain Bachoum, et puis juste après, on écoutera d'autres chansons, tout simplement. Je fais mes pompes sur les restes d'un vieux carambou. Je dis bonjour Voici tout simplement, il s'appelle Carlos avec Candela, et puis juste après, une autre histoire avec tout simplement Bernard. Tout simplement, mais son titre, le voici, mais son nom de famille. Je vous dis ça tout à l'heure. Bon. Gérard Blanc. De Gargantua, ne lui apportez pas, non surtout pas, un petit café crème avec quelques croissants. Ce qu'il lui faut, c'est quelque chose de plus consistant. Quoi, non ? Une vache, un mouton, un cheval, trois cochons, 50 kilos de fromage, 10 milliers de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera. Petit déjeuner de Gargantua. Quand vient le déjeuner de Gargantua, je lui préparerai pas, non surtout pas, un petit steak salade, une part de renfort. Ce qu'il lui faut, c'est quelque chose qui lui tienne au corps. Une vache, un mouton, un cheval, trois cochons, 50 kilos de fromage, 10 milliers de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera. 10 poulets, 15 dindons, 20 canards, 100 pigeons, 500 tonneaux de vin rouge. Voilà ce qu'il faudra pour faire le déjeuner de Gargantua. De Gargantua, ne lui proposez pas, non surtout pas, un petit bol de soupe, un petit morceau de pain. Ce qu'il lui faut, c'est quelque chose qui le calme bien. Quoi, non ? Une vache, un mouton, un cheval, trois cochons, 50 kilos de fromage, 10 millions de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera. C'est comme ça que sont les repas de Gargantua. Une vache, un mouton, un cheval, trois cochons, 50 kilos de fromage, des milliers de cornichons. Et si ça ne lui suffit pas, il redemandera. Quoi, 10 poulets, 15 dindons, 20 canards, 100 pigeons, tous les jours de la semaine. Arc-en-ciel. Cette chanson de Serge Lama fut un des gros succès français des années 70. On invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense, au début de sa vie, que ce sera jamais, jamais, jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Aussitôt que l'on rêve, c'est déjà qu'on est deux. Aussitôt qu'on en crève, c'est qu'on est amoureux. C'est déjà que l'on pense, avec mélancolie, ce sera bientôt, bientôt, bientôt fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Voici Rock Voisine, le titre tout simplement ne vient pas. Et puis juste après, Renaud. Dire que tout se répare, qu'il faut savoir pardonner, ne vient pas faire basculer ma vie. Toi qui l'as affaibli, son cœur est sans. Ne viens pas. Voici Renaud et son titre Marche à l'ombre, et puis trois titres du portugais. Quand Babacool Kralodge est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, J'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène jusqu'à l'Aiguen. Quelle rigolade, patchouli, patogas, le guide du routard dans la poche. Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles. Pour se barrer à Katmandou ou au Népal, avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise bêcheuse maquillée comme un carré d'as a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, elle enlute la tronche à la pouviasse qui se la culasse et les libères. Collant léopard, homologué chez SPA, Monoï et Chalimard. Putain en Sky comme Travolta, qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais S3 au palace, je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi du but et marche à l'ombre. Rocky Barjo, le genre qui s'est gouré le trottoir, et pu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob qui avait fait arrête, j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ses pauvres ébans, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve, il me regarde, faut qu'il arrête, sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir, la carte tournée chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait bu son biandox, j'ai chopé contre le jukebox. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Je me suis fait un punk, tu t'avais pas oublié d'être moche. Bien intellectuel en modèle, genre nouvelle offre. Quand Bob a massacré le flipper, on avait plus une thune en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec là me fait la peau et que je crève la gueule sur le comptoir, si la mort me paye l'apéro d'un air vislard, avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots, je lui dirai, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Arc-en-ciel. Melhor sabes que eu lembro de ti. Sempre que posso eu mando, e tu mandas-me também. Que bom, mandamos as tuas palavras lindas a alguém. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra à tarde, mandei-te duas à noite somente para lembrar que eu quero e lembrar quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra à tarde, mandei-te duas à noite somente para lembrar, para lembrar. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma pequenina para te lembrares de mim. O dia começa melhor, sabes que eu lembro de ti. Sempre que posso eu mando, tu mandas-me também. Que bom, mandamos os dois palavras lindas a alguém. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra à tarde, mandei-te duas à noite somente para lembrar, para lembrar que eu quero e lembrar quem eu sou. Passei o dia inteiro a mandar mensagens de amor. Mandei-te uma de manhã, mandei-te outra.

volant, elle s'endort. Logique, le feu passe au vert. Rien ne se passe et je klaxonne. Je me reflète dans ses verres. Elle ne peut plus voir personne. C'est quand le mariage avec Paul. Quand je l'ai sifflé au feu rouge, d'abord je me suis dit hold on. Mais c'est bizarre, rien ne bouge. La suite est dans mon rapport. J'ai dit, c'est vous, Miss, vous êtes bien pâle. Quelque chose ne tourne pas rond. Que se passe-t-il? Avez-vous mal? Faut circuler, Miss Duval. dernier souffle et même celui d'après. On oublie tout, continue le country, puis juste après, Pierre Perret. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Quand la chouette aux yeux jaunes, la nuit en plein mois d'août, de longs cris qui résonnent, appelle son hibou. Les braves gens du village, la mine réjouit, savent bien que ce ramage, c'est pas l'oiseau de nuit. Ils disent tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine. La petite noire du garde-chasse, c'est un vrai piège à bécasse. À l'unisson les paroissiens, dis rien que ça qui lui fait du bien. Et quand l'hiver s'en vient, sous les premiers flocons, d'un grand coup de surin, on saigne le cochon. Est-ce la bête qui agonise, de qui proviennent ces cris, poussés derrière les glisses? Mais les fidèles qui prient disent tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine. C'est celle du berger Bobby, ça le change de ses brebis. À l'unisson les paroissiens, dis rien que ça qui lui fait du bien. Elle amena en Afrique son mari Casimir, qui crut entendre un soir un éléphant barrir. Mais ce long cri sauvage, cette féroce clameur, les guerriers du village la connaissaient par cœur. Ils dirent tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine, sûrement celle du grand sorcier qui lui agite le couscoussier. À l'unisson les Africains, dis rien que ça qui lui fait du bien. Dans un transatlantique, sur le chemin du retour, ils croisèrent des baleines poussant des cris d'amour. Mais dans la nuit obscure, ces cris de suppliciés, les marins les reconnurent, ainsi que les plaisanciers. Ils dirent tiens, c'est la Corinne, le capitaine la taquine. À cette heure-là, en principe, il lui fait fumer sa pipe. À lui sont tous les marins, dis rien ça qui lui fait du bien. Sentant la mort prochaine, elle dit à son époux, je veux un cercueil de chêne avec des nœuds partout. Cette innocente prière fut bien sûr exaucée. Depuis le cimetière, quand on entend glousser, on dit tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pile. Ses amants n'avaient pas tort, elle peut faire bander un mort. À lui sont les paroissiens, dis rien ça qui lui fait du bien. Cette vie dissolue l'amena pourtant au ciel, pour affronter les foudres du bon Père éternel. Reçue par le concierge, elle poussa un long cri, en empoignant sa barbe, mais les anges ont souri. Ils dirent tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pile. C'est Saint-Pierre à tous les coups qui essaye son passe-partout. Et le bon Dieu a dit non d'un chien, faudra que j'essaye ça un matin. Voici donc qu'elle s'appelle Michel Thor, son titre, tout simplement, J'aime l'été, et puis une chance avec Lily Harmony. À l'heure, on Voici donc Bambou avec Alain Chamfort. S'appelle tout simplement un amour pour moi et c'est Céline Dion. Je vois bien caressant mes cheveux, je crois bien que ce voyage voudrait le détour. Et puis surtout, je crois bien que je veux un amour pour moi, comme un grand cadeau de la vie. Comme un soleil en pleine nuit, me réchauffer un Voici donc David Bowie, Let's Dance. Sans vraiment le dire, non, tout.

Mais linda não vi. Oh, Califórnia, doce pão da vida, bouche qui a pas pipi de te manger le bébé. Oh, Californie, ta berline, berline, d'un coup mon tour est ligne, dommage, lui donne envie. Oh, Californie, pour ce temps de vie, d'un bouche qui a pas pipi de te manger le bébé. Tout simplement Axel Bauer, voici tout simplement les émissions pour ce soir et ainsi demain, mercredi. Voilà donc à partir de ce soir, donc à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe pour l'émission électrique Choc. Demain déjà mercredi, et oui, nous sommes déjà mercredi, le matin, partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky, au réveil, juste après 9h midi, avec Victor, avec Portugal en fête, et puis l'après-midi avec Gloria, avec la musique en musique. Puis après, à partir de 16h, donc à partir de 16h jusqu'à 17h avec Zika d'ailleurs, et puis juste après, Violette pour l'émission traditionnelle entre 18h et 19h30, et puis à partir de 19h30 jusqu'à 21h avec Christina pour l'émission pour fleurs de fourrure, tout simplement. Comme promis, voici donc Axel Bauer et puis juste après Charles Aznavour. choisissons pas, on a choisi par eux, qui se font d'une tête d'imbéciles heureux. Ils nous donnent le change en mettant la sourdine, toujours là, toujours prêt, disponible et serviable, nageant comme un poisson dans la compromission. Un sourire accroché à cet air voulu con qui cache adroitement un autre air implacable. Mon ami, mon Gida, joue le jeu, ne te gêne pas. Courtise-moi, fais des courbettes. Dis-moi que tu es mon ami, déboué, sincère et honnête. Tout c'est à la mort, à la vie, fais-toi tout humble et tout sourire. Dis-moi que j'ai un charme fou, que j'ai de la classe et du goût, et passe la brosse à reluire, ça ne te coûte pas un sou. Nous facilitons tout, nous évitons les drames, ils sont pour nous aider, prêts à n'importe quoi, même complaisamment, à nous border parfois, s'ils nous trouvent ton lit, couchés avec leurs femmes, prêts à veiller la nuit, prêts à danser la gigue, pour mieux nous amuser, prêts à se mettre nu, acceptant s'il le faut, le coup de pied au cul, se baissant gentiment, pour pas qu'on se fatigue. Mon ami, mon Gida, prends le physique d'emploi, flatte-moi de mon élégance, dis-moi je suis bon et beau, une étonnante intelligence, que je choisis bien mon Bordeaux, mange mon caviar à la louche, tu m'aimes à 20 kilos, et tapis derrière mon dos, pense aux ristournes que tu touches, et au prix de l'or en lingots. Mon ami, mon Gida, dans l'ombre joue avec ta proie, tire adroitement les ficelles, tu n'es pas bouffon, tu es roi, tu ne suis que polichinelle, moi, tout rêveur et tête de bois, cher profiteur et parasite. Lorsque mon temps sera passé, le citron mille fois pressé, prends-moi, trahis-moi au plus vite, et va-t'en compter tes deniers. Mon ami, mon Gida, fais ton métier, crucifie-moi. Elle fait de rêves où elle se perd entre les grands nuages blancs. Elle ne sait plus le jour ni l'heure. Elle a de l'art au fond du cœur qui lui font peur. Oh mon amour, écoute-moi. Déjà la vie t'attend là-bas. Non, n'aie pas peur.

il mio mondo ride. Io non lo so, tu salvami, non è casa mia, non è la mia via, non ho rotto mai il mio mondo ride. Io non lo so, non lasciami così. Voici donc Claude Barzotti, Panam. Thank you. souvent, souvent, je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent, je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir, et peut-être en mourir. Solitude, viendrez-vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude? Vous serez mon premier été, ma rose et ma source cachée. Des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent, je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent, je pense à vous, madame. Peut-être en mourir. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, je vous prendrai la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir, et peut-être ciel. Monsieur Daumont est un homme heureux. C'est vrai que la vie lui fait les douze yeux. Depuis qu'il a trouvé le filon, qu'il est le roi du digue dindon. Monsieur Daumont est riche à millions, sa Cadillac est rose bonbon, le tout Paris chuchote son nom, il est le roi du digue dindon. Est-il dans les banques ou la restauration, dans le show business ou dans la confection, ou bien tout à la fois? C'est vrai qu'il est le roi, le pour clients des sultans, des émirs, dans toutes les langues il a toujours le mot pour rire. Quel est donc son secret, d'où lui vient son succès? Mais oui, du digue dindon. Monsieur Daumont est un homme heureux, même si parfois les gens sont curieux. Monsieur Daumont, que vendez-vous donc? Eh bien voyons, du digue dindon. Mais voilà, malgré son cœur d'or, Monsieur Daumont, ironie du sort, n'a pas trouvé l'élu, l'âme sœur. Monsieur Daumont est un grand rêveur. En complet croisé sous son borsalino, cravate lila, mocassin en croco, il se mêle le soir à la foule des trottoirs. Imaginez donc quand il dit bonsoir aux dames de la nuit qui passent dans le noir. Elles se jettent sur lui, prêtes à donner leur vie et leur cœur et leur reste. Monsieur Daumont cherche Cendrillon après minuit, rue de l'Illusion. très bien de quel pays je viens. Peu importe qu'on soit de New York ou Paris, quand on est musicien, on est américain si on vit aujourd'hui. Mais je n'ai pas besoin de la Californie quand je voyage dans ma tête. C'est tout aussi bien et ça va plus. Avec tout simplement, j'ai perdu 25 kilos. J'ai perdu 25 kilos, oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Françoise Hardy. Que tu es beau, Enrico. Vous ça va, mettez la sourdine, paella, tchouk-tchouka, c'est fini, bien fini pour moi. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Le matin, je prends du thé, sans croquer la moindre biscotte, ensuite un citron pressé, et plus rien jusqu'au déjeuner. Le sauna, ça me tue, vraiment ça m'épuise. Tu pourras, très bientôt, te cacher derrière ton micro. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Quand j'invite des amis, chaque fois c'est un vrai supplice. Pendant qu'ils mangent un méchoui, je dévore un bon ribouilli. C'est mauvais, c'est mauvais. J'ai très bon pour la ligne. Mais je rêve de merguez devant un yaourt à la fraise. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore. Mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore. Elle répond. Nous allons t'offrir un couscous. Un couscous. Un couscous. couscous, un couscous. J'ai perdu 25 kilos, mais je vais les reprendre bientôt. Arc-en-ciel. Voici donc avec Claude Nougaro les mains d'une femme à la farine. Mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Quand tu fais la tarte aux pommes poupées, tu es divine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, oui. Allez, roule-moi la pâte, ça me plaît, ça m'émeut. Quand je vois voltiger les mains blanches de mon cordon bleu, mieux encore que dans la chambre, je t'aime dans la cuisine. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Est-ce pour ta tarte ou ta pomme que je me lèche les babines? Rien n'est meilleur que les mains d'une femme dans la farine. Si ce n'est mes propres mains posées sur ta poitrine, rien n'est plus doux que les mains d'une femme dans la farine. Oh, c'est pas de la tarte, la pâtisserie, non, c'est pas du tout cuit. Faut lever la pâte et cela exige beaucoup d'énergie. À te voir ainsi, je retrouve mon âme enfantine. Rien n'est plus pur que les mains d'une femme dans la farine. C'est comme si tu étais ma mère en même temps que ma gamine. Rien n'est plus pur que les mains d'une femme dans la farine. Oh, oh non. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine. après jour, la vie qui va. A laissé au passage comme un goût amer. Et même l'amour file entre mes doigts. Alors pourquoi s'en faire? À quoi ça sert? Donnez-moi une seule raison de croire de ne pas laisser le cœur verrouillé à double tour. Oui, donnez-moi une seule raison de croire de ne pas laisser le cœur verrouillé à double tour. De jour en jour, la vie est plus dure. Je sais bien pourquoi rien n'a changé. Le monde se vautre dans l'ordure. J'ai tant besoin de vous. Oui, pour l'oublier. Donnez-moi une seule raison de croire de ne pas laisser le cœur verrouillé. Donnez-moi une seule raison de croire de ne pas laisser le cœur verrouillé à double tour. Ce que je peux dire, c'est qu'il est à vous. J'entends vos voix, j'entends vos rires. Et j'ai besoin de vous. À en mourir. Donnez-moi une seule raison de croire de ne pas rester le cœur verrouillé à double tour. Donnez-moi une seule raison de croire de ne pas rester le cœur verrouillé à double tour. Donnez-moi une seule

peu perdu aujourd'hui. Je me sens les cheveux gris. Si on recommençait la vie, yeah. Si on changeait la vie. Avec le désert, et puis après, elle a fait un tuto du portugais avec Jolassin. Et de 28 jours, déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La télé, je me suis tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat, les marchands de servitude se sont glissés jusqu'à ma lune, en reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. L'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique. Son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de vernis. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Je vais les demander. j'ai répondu bien qu'au 30. J'ai compris qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner ma vie. Avec son marteau piqueur, il creuse le sillon de la route de demain. Il y met du cœur, le soleil et le gel sont écrits sur ses mains. Le portugais dans son ciré tout rouge, qui ressemble à un épouvantail. As-tu vu l'étrange laboureur? Des prairies de béton et des champs de rocailles. Il faut en faire des voyages, il faut en faire du chemin. Ce n'est plus dans son village qu'on peut gagner son pain. Loin de son toit, de sa ville, à 500 000 vers le nord. Le soir dans un bidonville, le portugais s'endort. Il est arrivé à la gare d'Austerlitz, voilà 2 ans déjà. Il n'a qu'une idée, gagner beaucoup d'argent et retourner là-bas. Le portugais dans son ciré tout rouge, ressemble à un épouvantail. Il ne t'entend pas, il est sur le chemin qui mène au Portugal. Il faut en faire des voyages, il faut en faire du chemin. Ce n'est plus dans son village qu'on peut gagner son pain. Son droit de sa vie à 500 000 le soir de sa vie, le portugais son nom. Vigneron, je te dis courage, courage. Vigneron, vigneron, t'as bien raison de défendre ta maison, ta vigne et ton village. Petite piquette tout grand cru, laisse pas moisir tes fûts. Loin des tristes bacchanales, à l'eau minérale, il y a des cactus dans le raisin. Veille au grain. Truco, truco, baritaï, canto, canto, tumé. Pum, tino, mia, pas, mes, guayre, aussi, os, pas, foudre. Truco, truco, tumé, vigneron, vigneron, camarade vigneron, je te dis, bien bon, bien bon. là parmi tes vignes, qu'à pointer dans une usine grise comme une prison. Mais bon messieurs en col blanc, de trouve un peu turbulent, que le diable les emporte, mais pas la clé sous la corde, et mets pas tout dans ton vin, veille au grain. Truco, truco, allégaille, canto, canto, tuméré, confino, n'y a pas ce mesquoire. Je te dédie ce refrain. La la la la la la la. Je te dédie ce refrain. Arc-en-ciel. Alexandrie Alexandra est suivie après Être une femme.

mes amis m'ont donné rendez-vous ici. Ils m'ont dit, tu verras, c'est un super endroit, vraiment très très sympa. Les filles sont gentilles et jolies, plus marrantes qu'à Paris. Si tu veux rencontrer les nouvelles femmes de ta vie, il faut venir danser par ici. C'est au rétro, c'est au rétro, qu'elles viennent mouiller le maillot. L'une derrière l'autre, ou côte à côte, c'est idem recto verso. Quand elles ont chaud, qu'elles ont trop chaud, elles adorent enlever le haut. Sur le Madison, oh, oh, oh, pour le Madison du rétro. Allez, oh. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà donc cette chanson qu'on va se dire bonsoir. Alors bientôt fini dans à peu près un quart d'heure. L'émission se termine, mais il y aura d'autres chansons juste après avec Nena Cord. Voilà donc, et donc, je vous dis, l'émission touche à sa fin. On se retrouve donc, eh bien, vendredi à partir de 13h30. Et puis aussi, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi en ma compagnie. Et donc, je vous dis bon temps à tous et à vous toutes. Sur des airs de guitare, puis tu bouges, tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, te balance. Le reste n'a pas d'importance dans le soleil. Je me brûle et me réveille, tu me l'as dans les yeux, je suis plus le feu. Je vais dans la peau, baila, baila, oh. Baila, baila, ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, danses avec le cœur, le nom, je te le fais. Voilà ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Olha lá. Mais 351-91-110-10-26. É RDP Internacional no WhatsApp. Sabe de onde vens? Toda a gente sabe a lenga, lenga, les, les. Aqui não enganas mais ninguém. Escusas dizer que estás diferente. Vir chorar com a barriga cheia. Esconder os erros do passado com o presente. Aqui já ninguém cai nessa teia. Escusas de vir todo engravatado. Até está a cantar um fado que eu já conheço o final. Essa conversa é sempre só de pouca dura. Tens tudo à tua procura, baixa lá essa moral. Estás armada em gente fina, vê-se acordas, vê-se atinas, vai de queira, cortina e vamos todos rir. Estás armada em gente fina, vais acabar numa esquina, que eu sei bem que a guilhotina um dia vai cair. Estás armada em gente fina, vê-se acordas, vê-se atinas, vai de queira, cortina e vamos todos rir. Estás armada em gente fina, vais acabar numa esquina, que eu sei bem que a guilhotina. Toda a gente sabe quem tu és. Toda a gente sabe de onde vens. Toda a gente sabe a lenga, lenga, les, les. Aqui não enganas mais ninguém. Escusas dizer que estás diferente. Vim chorar com a barriga cheia. Passado com o presente, aqui já ninguém cai nessa teia. Escusas de vir todo engravatado, a tentar cantar um fado que eu já conheço o final. Essa conversa é sempre só de pouca dura, tens tudo à tua procura, baixa lá essa moral. Mas vamos lá ao principal. Estás armada em gente fina, vê se acordas, vê se atinas, vai de queira, cortina e vamos todos rir. RDP Internacional, longe da vista. Boa tarde, são 4 horas no continente e na Madeira, são 3 nos Açores. O histórico socialista Joaquim Mourão garante que são falsas as declarações que a TVI diz que fez à Polícia Judiciária que implicam o antigo autarca de Lisboa, Fernando Medina. Joe Biden não tem dúvidas, a NATO está mais forte do que nunca. Esta tarde, na Polónia, o presidente dos Estados Unidos avisou que tem de haver segurança na Europa. No Brasil, são já 44 o número de mortes, vítimas da chuva forte que afetou o litoral do estado de São Paulo. Amanhã o dia vai começar cinzento, há a previsão de aguaceiros para o norte, queda de neve na Serra da Estrela e descida da temperatura. A tarde promete menos nuvens. Nos Açores há de tudo nas previsões para amanhã, sol, nuvens, mas também aguaceiros fracos. Na Madeira vai ser um dia cinzento com aguaceiros, sobretudo nas terras altas. Agora, 14 graus no Porto, 17 em Lisboa, estão 18 em Faro. Nas ilhas, 17 em Ponta Delgada, estão 19 no Funchal. Edição das 4 com Ana Sofia Freitas. Joaquim Mourão garante que não denunciou o antigo autarca de Lisboa, Fernando Medina, à Polícia Judiciária, tal como adiantou ontem à noite a TVI. O canal de televisão avançou que o antigo presidente da Câmara